journée-là, je m'en rappelle, j'embrassais ma première fatale. C'était une blonde, bien des plus belles, du bout des lèvres, rien de bien mal. Que l'aimer pourtant chaque fois qu'on se croisait. Quelques minutes et elle partait en fumée, mais chaque fois je la retrouvais. J'en ai croisé de mieux rouler, proportionné au teint plus mat, mais c'est toujours elle que j'allumais. Et c'est elle qui m'a...